comment ça se fait qu'à Québec, encore dans ce sondage-là, on vote pas comme tout le monde? Comment ça se fait que la CAQ est en tête à Québec? La CAQ est en train de redevenir ce qu'elle a été avec le DQ à certains moments, c'est-à-dire un parti régional de la région de Québec, la Rive-Sud. Pourquoi à Québec, on est encore différent du reste de la province dans ce sondage-là? Ben, parce que vous êtes plus politisé, c'est clair. Mm-hmm. Vous êtes plus... Il y a plus de médias qui font leur job. Il y a plus de gens qui s'informent. C'est différent pour cette raison-là. À Montréal, je te le dis, là... Vous avez aucune idée. Montréal, là... Ça les intéresse pas, l'économie de Montréal? C'est quoi? Mais ça? Non, ça les intéresse pas. Écoute, on a eu deux maires qui ont démissionné d'un scandale, pis ça a pas fait de vague plus qu'il faut. Y a pas, tu sais, je pense que Rob Ford, avec ses problèmes de coke, a fait plus parler de lui puis plus réagir les Montréalais que le fait que notre maire se fasse sortir chez eux un matin. Les Montréalais étaient contents. Ils trippent à voir aller Rob Ford avec son crack pis avec ses niaisons. On dirait que ça les rassure, que ça les réconforte de voir ça. Mais ils se rendent pas compte que la ville de Toronto, même avec un gars qui est sur le crack, est mieux gérée qu'à Montréal. Ben oui. Alors ça, il y a pas personne qui semble s'inquiéter de ça. On vit pas dans la même dynamique. Il y a toutes sortes de raisons là, sociologiques, démographiques, historiques pour expliquer ça. Mais Québec va continuer à se démarquer à ce niveau-là. Le seul problème qu'il y a, puis c'est ce qui est dommage, c'est qu'au lieu d'être Québec qui rayonne sur les autres régions, c'est Montréal qui rayonne ces autres régions. C'est ça qui est le vrai problème, en fait. Ouais. L'influence médiatique montréalaise, elle se propage à grandeur du Québec, là. C'est ça. Ouais. Les nouvelles partaient de Québec plutôt que de partir de Montréal pour les autres régions, je pense que la réalité du sondage d'un matin, ça serait bien différent. Mais en fait, on n'aurait peut-être même pas un gouvernement du PQ à l'Assemblée nationale au moment où on se parle. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une autre réalité. Puis pour ce qui est de la CAQ, écoute, il remonte. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose? C'est sûr que Christian Dubé a fait une bonne job avec quelques propositions économiques. Est-ce que c'est ça qui aurait peut-être fait basculer quelques votes du côté de la CAQ? Je le sais pas. Mais ou c'est carrément le vide parce que le monde sont un peu déçus de voir Couillard arriver. Il est trop tôt ça aussi pour décider, mais il y a eu un mouvement. En tout cas, le monde de la CAQ aujourd'hui doit se réjouir de voir les chiffres monter un peu dans leur région de Québec. Là, si à Québec, la CAQ disparaît, on comprend que ça n'existe plus, la CAQ. Non, c'est ça. Hey, parle-moi des mines. On l'a abordé brièvement.